wa bi nak ben pala won quoi ak jabaram ak sen dom modou legui keur gi nak dafa amone ben sek manam ben ginar bu gor ben ginar bu jigen bon aljuma jot nak jabar ji ne nijaayam wa nijaay tay nak ki la lay togal poulet roti pa bi nako ok ma ngi xaar bon tok ba ay 11h du matin yoyu soxna si ne dom ji modou jappal ma ginar gi tay mom sama poulet mom nat na saf bon modou japp ginar gi mère bi togu ginar gi xam ba mu saf daf ci ay nokos daf ci ay kani affaire yoy ka bon guddu jot ñu rer pa bi contane bi bi fessel voilà legui nak teud jot mais naka lañ teud rek mère bi di yey pa bi quoi ne ko e xolal sama ginar nak sum ko defé yow ya tax té sama ginar bi neexon na safon na sap legui nak voilà dem bëgg nak nga gérer ma xama pa bi na a lol mom amul ben problème dama lay gérer xama way pa bi gérer naay tout ça way togat ba ay 2h du matin yoy mère bi yewat pa bi quoi ne ko e dama bëgg juk la wax man waw sama ginar ko mu safé ni fo nga saf safal ma fo nga safal ma mbir bi mom xama pa bi nako way lol du problème yaay bañ pa bi ñew gérer wat mais gis nga mère bi nekk ko nonu quoi way ba ay 6h du matin la wax ni quoi naat bi yep xama way pa bi gérer mère bi ay 6-7 fois yoy quoi pa bi sonu bidanti affaire yoy bon légui après ñu nekk samedi nak samedi matin affaire yoy pa bi juk nonu quoi juk ay 13h après le temps muy sangu affaire yoy 14h jot pa bi ne day julli xama way pa bi commencé julli quoi pa bi commencé julli yoy rek deug mère bi nan e modou jappal ma sekku balé tay mom dam kay roti ba mu saf sap pa bi ne modou bul jappé buy dé may dé ginar gi sekki gi buy dé may dé bul ko jappé